المنهج. Devoir numéro 1. Exercice phonétique numéro 2. 1. Oum. 2. Naïma. 3. Bi'ra. 4. Aïdan. 5. Salam. 6. Raïs. 7. Naba. 8. Salim. 9. Isma. 10. Bas.